Aujourd'hui j'ai besoin de toi. Je t'appelle, tu ne réponds pas. Comment pourrais-je suivre tes pas si tu les effaces derrière toi? Comme un petit poussé perdu, je recherche l'entrée de ta rue. Mais où sont mes beaux cailloux blancs, balayés par un coup de vent? Je ne sais pas comment te dire qu'il faudrait que tu lâches prise, qu'il faudrait juste que tu me dises je t'aime. Je t'aime, mon enfant. T'en fais pas, je vois à présent comme c'est facile d'être parent. Le temps a passé, c'est comme ça. C'est à mon tour d'être papa. Et quand t'as pas le mode d'emploi, tu t'adaptes à ce que tu crois. Mais l'homme fragile que je suis fait des erreurs, lui aussi. Mais je crois qu'en ouvrant les yeux, ils verront qu'ils ont fait de mon mieux. Je ne sais pas comment te dire qu'il faudrait que tu lâches prise, qu'il faudrait juste que tu me dises je t'aime. Je t'aime, mon enfant. C'est vrai que j'ai dû lâcher prise. Il est grand temps que je te dise je t'aime. Je t'aime, mon papa. Je t'aime, papa.